Il rompit le pain, l'offrit à ses disciples et dit : Prenez et mangez, car ceci est mon corps. À la fin du repas, il prit la coupe et rendant grâce à Dieu, le remerciant, il offrit la coupe à ses disciples et dit : Prenez, oui, prenez et buvez, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance éternelle, le mystère de la foi. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Mon père, j'ai plus la foi, putain, libérez-moi. Je sais que ça dépend de moi, encore une fois. Putain, libérez-moi, châtiez-moi, punissez-moi. Au moins, libérez-moi, car je sais que demain l'avenir en main s'occupera de moi. Mon père, j'ai plus la foi, putain, libérez-moi. Je sais que ça dépend de moi, encore une fois. Putain, libérez-moi, châtiez-moi, punissez-moi. Au moins, libérez-moi, je sais que ça dépend de moi. Libérez-moi, pardonnez-moi, mon père. Votre monastère est mon seul asile, l'air de prière. Ma vie n'est pas si facile. Le mal à l'être, ma malédiction excite. Même addiction m'incite sans rémission. Depuis que j'ai posé la main sur cette tombe, mon cœur blasphème et mon corps tombe à chaque baptême. Me repentir tard sur la sépulture de ma femme. Le mal s'empara de moi comme une flamme. Fille de joie, avant que je lui mette la bague au doigt, pratiquer derrière mon dos plusieurs rituels anodins. Je crois mon père que les ténèbres l'ont bouffé, car je sens encore son cœur s'étouffer. J'ai tout fait, pourtant mes signes qu'un message. Mon père, serais-je le seul à marcher dans ce cortège? Alors neige. Perdu la foi dans mon affection. Dieu n'est pas la voie, juste une remise en question. Mon père, j'ai plus la foi, putain, libérez-moi. Je sais que ça dépend de moi, encore une fois. Putain, libérez-moi, châtiez-moi, punissez-moi. Au moins, libérez-moi, car je sais que demain l'avenir en main s'occupera de moi. Mon père, j'ai plus la foi, putain, libérez-moi. Je sais que ça dépend de moi, encore une fois. Putain, libérez-moi, châtiez-moi, punissez-moi. Au moins, libérez-moi, je sais que ça dépend de moi. Libérez-moi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dieu ait pitié de toi, et qu'il t'apporte le pardon de tous tes péchés. Alors, comment il va faire ? Mon père, vos prières ne sont d'aucun secours. Dieu m'abandonne car le diable a pris son tour. J'ai dévoré d'anciennes écritures bibliques, car mon appétit pour le Christ est devenu plus prolifique. J'ai vu la scène, ce verre écrit avec mon sang, et j'ai brûlé les temples d'un aumônier comme un innocent. Mon père, je n'ai encore tué personne. Je suis venu vous voir pour que Dieu me pardonne. Pardonnez-moi. Mais je sais ce que le Seigneur fait à ses fils aimants. J'ai le corps d'un humain avec le cœur d'un démon. Mon père, libérez-moi, exorcisez-moi. Châtiez-moi, punissez-moi, au moins libérez-moi. Mon père, j'ai plus la foi, putain, libérez-moi. Je sais que ça dépend de moi, encore une fois. Putain, libérez-moi, châtiez-moi, punissez-moi. Au moins libérez-moi, car je sais que demain l'avenir en main s'occupera de moi. Mon père, j'ai plus la foi, putain, libérez-moi. Je sais que ça dépend de moi, encore une fois. Putain, libérez-moi, châtiez-moi, punissez-moi. Au moins libérez-moi, je sais que ça dépend de moi. Libérez-moi. Mon père, j'entends dans ma tête, me chuchote, me répète que le sang doit couler à perte. Mon corps inerte, Belzébuth veut le contrôler. Mon dernier culte occulte pour m'enrôler. Parole macabre, serment du sabre. Geste instable, me fait péter un câble. Me crie des ordres, me pousse dans les affres du souvenir. Car c'est la mort qui veut t'assouvir. Le poids des ombres arrachées de l'enfer. Harassé par les victoires notoires du Saint-Père. Où sont les anges perdus dans la fange du paradis d'un dieu trois diorites étranges. Mon père, vous avez peur, serrez la croix, croix, la perte de vos repères et votre âme pleure. Nourrissez-le, abaissez-vous devant ses yeux, votre foi est en feu, alors putain mon père, libérez-le. Mon père, j'ai plus la foi, putain, libérez-moi, je sais que ça dépend de moi, encore une fois. Putain, libérez-moi, châtiez-moi, punissez-moi, au moins libérez-moi, car je sais que demain l'avenir en main s'occupera de moi. Mon père, j'ai plus la foi, putain, libérez-moi, je sais que ça dépend de moi, encore une fois. Putain, libérez-moi, châtiez-moi, punissez-moi, au moins libérez-moi, je sais que ça dépend de moi. Moi.